Comment Socrate sait-il qu'il ne sait rien ? Au début de toute l'histoire de la philosophie, il y a une histoire personnelle, une anecdote, mais racontée dans un tribunal sous le signe d'une peine de mort possible, et une anecdote qui repose sur la distinction entre deux types de savoir. Dans son procès, où il est accusé de corrompre les jeunes citoyens d'Athènes, Socrate, en effet, passe par cette distinction entre deux types de savoir. Il raconte une anecdote, il raconte pourquoi on le déteste dans Athènes, parce qu'on l'accuse de critiquer le savoir de tout le monde et de se prétendre plus savant que tout le monde, lui, le philosophe qui prétend pourtant qu'il ne sait rien. Comment peut-il donc à la fois dire qu'il ne sait rien et se prétendre plus savant que tout le monde, car, en un sens, il l'assume. Il l'assume à sa grande surprise. Il raconte à son tribunal que un de ses amis, étant allé à Delphes consulter l'oracle, un peu par provocation, au fond, cet ami un peu exalté demande à la Sibylle de Delphes, c'est-à-dire à celle qui écoute les messages d'Apollon, du dieu, s'il y a quelqu'un de plus savant que Socrate. Or, la Sibylle, la Pythie plus exactement de Delphes, répondit, je cite, dans l'Apologie de Socrate de Platon, la Pythie répondit qu'il n'y avait personne de plus savant que Socrate. Et Socrate était le premier étonné. Comment est-il possible que lui qui prétend ne rien savoir soit déclaré par le dieu plus savant que tout le monde? Alors il entreprend une enquête. Il va chez les uns et chez les autres. Il commence par les politiques, puis les poètes, puis les artisans. Et chez chacun, il trouve un savoir-faire, une manière de faire. Par exemple, le poète écrit des poèmes, mais quand Socrate lui demande « Sais-tu comment tu écris un poème ? Sais-tu ce qu'est un poème ? Sais-tu ce que tu fais ? Sais-tu ce qu'il y a derrière ton savoir-faire ?» Le poète se révèle incapable d'expliquer, incapable de répondre. Et il en est de même de tous, et surtout des politiques. En effet, les politiques prétendent tout savoir, mais ne peuvent donner aucun fondement à leur pratique. Ainsi, Socrate distingue bien deux sortes de savoir. Il y a le savoir-faire qu'il ne conteste aucunement. Les artisans savent fabriquer des bateaux, des poteries, le médecin sait guérir. Mais quant à expliquer pourquoi, expliquer comment on sait ce que l'on sait, on sait ce que l'on fait, on le démontre, et peut-être que savoir, c'est savoir pourquoi l'on sait, alors là, ils en sont incapables. Le savoir justifié, la vérité, la science, voilà ce dont Socrate se réclame. Ce dont il explique qu'aucun praticien ne l'a vraiment et à la recherche de quoi il faut se mettre. Il ne prétend pas le posséder, mais il prétend critiquer un premier niveau de savoir au nom d'un autre. A-t-il raison ? A-t-il tort ? C'est ce qu'il faudra examiner. En tout cas, c'est pour cela qu'on l'a condamné à mort. C'est parce qu'il prétendait ne rien savoir, mais que cette absence de savoir était plus profonde que tous les prétendus savoirs du monde.